On va rester dans le même sujet, dans le domaine de l'alimentation avec Morgane, mais en faisant cette fois-ci un lien avec la santé mentale. Alors, comment la santé mentale, comme la santé mentale, la neuroscience est la spécialité de notre chroniqueuse Morgane Lemasson, bien, c'est donc toi qui vas faire ce lien. Donc, bonjour Morgane. Bonjour Valérie. Donc, plus précisément, tu vas nous parler de l'effet de l'alimentation riche en gras sur les excès dépressifs. Donc, voilà. Pourquoi s'intéresser à un tel lien? En fait, tout a débuté vers le début des années 2000. On s'est aperçu, il y a eu plusieurs données épidémiologiques qui ont montré que l'obésité augmentait le risque de dépression. Et ça, on ne connaissait pas du tout les mécanismes, ni dans le cerveau, ni ailleurs. Et cette année, donc, récemment, en avril 2012, il y a une étude qui a été réalisée et publiée dans le journal International Journal of Obesity, qui a été réalisée à l'Université de Montréal et qui a montré que si on donnait des aliments chroniquement, donc pendant plusieurs mois, à des souris, des aliments riches en gras, elles allaient développer des comportements dépressifs. Donc ça, c'est une étude donc, sur des souris, sur des animaux. Comment on fait pour observer des tendances dépressives chez ces animaux? Très simplement, il y a beaucoup de batteries de tests comportementaux qui existent. Moi, je travaille sur la dépression, les maladies bipolaires, etc. Et on effectue tous les jours ce type de tests. Donc, il y a des tests pour l'anxiété, la dépression. Et cette étude a montré que les souris nourries d'aliments riches en teneur en gras avaient des signes d'anxiété, c'est-à-dire qu'elles allaient beaucoup moins vers les espaces ouverts, qui est une situation anxiogène normalement pour la souris. Okay. Et il y avait aussi des signes de dépression. Donc si on piégeait un peu l'animal, il allait mettre moins d'efforts à essayer de s'échapper. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que oui, l'aliment riche en gras peut produire un plaisir immédiat quand il est consommé comme ça une fois de temps en temps, mais qu'à long terme, ça va produire vraiment des effets de dépression. Un petit peu comme ce qu'on voit avec, avec l'alcool ou avec les drogues. C'est exactement la même chose. À faible dose, c'est euphorisant. Et à forte dose, il y a les mêmes effets sur la dépression, pour l'alcool. Même on parle de la cigarette et les drogues illicites. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si ce type d'alimentation aurait des effets sur le cerveau qui, à son tour, ces effets pourraient expliquer la pression de la dépression. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment l'apport de l'étude qu'a réalisé l'équipe du docteur Fulton à Montréal, et qui ont montré en fait que lorsque c'était déjà connu que lorsqu'on prend une fois un aliment riche en gras, on va avoir une libération de la dopamine qui est un neurotransmetteur. Et puis pour vous expliquer, en fait, les neurotransmetteurs sont les molécules chimiques qui aident à la communication entre les neurones. Donc elles sont vraiment essentielles dans le bon fonctionnement du cerveau. Et lorsqu'on prend une fois de temps en temps un aliment riche en gras, il va y avoir une augmentation de dopamine qui va activer un circuit qui s'appelle le circuit de récompense et qui va donner ce plaisir immédiat. Et quand on le prend de façon chronique, quand il y a beaucoup de gras dans notre organisme, il va y avoir une dérégulation, un dysfonctionnement des neurones qui libèrent la dopamine, et donc un dysfonctionnement du bon fonctionnement de ce circuit de récompense, et donc l'arrivée de la dépression. Oui, c'est ça, d'accord. Donc les souris nourries avec des aliments riches en gras, elles semblent devenir anxieuses et dépressives. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus stressées? En fait, on a vu aussi qu'il y avait chez ces souris-là une augmentation de la corticostérone, qui est une hormone liée au stress. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on avait déjà vu chez les obèses que le taux de corticostérone était beaucoup plus élevé que la normale. Donc oui, ces animaux deviendraient plus sensibles au stress, anxieuses et dépressives parce qu'il y a une altération du fonctionnement de la dopamine sur le circuit de récompense et les autres circuits associés à la dépression. Oui. En tout cas, c'est quand même assez curieux, assez curieux. Puis il reste à voir s'il se passe la même chose chez l'être humain, évidemment. Là, ça, c'est des expériences sur les données montrant le taux de corticostérone élevé chez les patients. Études épidémiologiques ont montré que l'obésité est un facteur de risque pour la dépression. Ça a été fait chez l'homme. Donc, c'est vrai. C'est sûr qu'il faudra vérifier toutes les données au niveau, toutes les données neuroscientifiques chez l'homme, mais pour l'instant, c'est une bonne base. On n'a pas encore tout compris le phénomène de la dépression. On y travaille. Oui, je pense qu'il y a des gens qui beaucoup. Mais ça s'en vient. Ouais. Donc, finalement, on s'aperçoit que manger, ce n'est pas si anodin que ça, là, non seulement pour notre cœur, et que certains éléments pris en grande quantité peuvent avoir des effets directement sur nos humeurs, finalement. Voilà. C'est ça que ça démontre. Manger sucré ou gras peut nous apporter un petit plaisir, mais en consommer beaucoup, faire attention. Ouais. Donc, merci beaucoup, Morgane et Karine, pour ce regard sur notre alimentation.